Bonjour, heureux de vous retrouver une fois encore ce samedi pour cette autre édition de la Renaissance africaine avec un sujet fort évocateur. Et bien, après avoir assuré et géré le leadership mondial pendant plusieurs siècles, l'Afrique, tout le continent africain et autres afro-descendants se sont donc retrouvés depuis plusieurs siècles, notamment si on peut remonter à partir du 11e siècle, ne serait-ce que, et bien, à subir un leadership barbare, atroce et sauvage occidental, pardon, encadré notamment par l'esclavage, la colonisation et même le néocolonialisme qui bat son plein aujourd'hui, des faits qui ont donc finalement déshumanisé l'espèce humaine, alors que le leadership occidental est en train de s'effondrer sous nos yeux, regardant avec l'arrivée notamment d'un monde multipolaire, et bien avec l'Afrique comme centre donc des enjeux géopolitiques, géospirituels et autres. La question est celle de savoir si le continent africain, du moins ses leaders politiques, ses leaders de la société civile et autres religieux, sont donc prêts eux également à assurer véritablement le leadership mondial pour un véritable équilibre, donc pour un monde finalement tout en paix. Voilà la problématique de cette édition de la Renaissance africaine, avec comme à chaque fois le concours de nos amis de Save Africa qui nous retrouvent et voilà, qui nous accompagnent chaque samedi avec l'homme providentiel, le grand prêtre Pierre-Paul Moubitan, qui est des nôtres depuis sa position stratégique dans ce village Niafianga, j'arrive, qui nous accompagne une fois encore ce samedi. Bonjour, bienvenue à vous, grand prêtre. Bonjour, eh bien, j'en profite pour dire merci à tous nos téléspectateurs qui ne cessent de nous encourager au regard du feedback que nous avons de cette production. Merci à tous ceux qui s'échinent tous les jours pour que la voix de l'Afrique puisse aussi compter dans le concert des nations. Merci à toi, Fabrice, qui est toujours présent au rendez-vous, enthousiasmé par cette renaissance africaine, ne cesse de nous donner la possibilité de pouvoir nous exprimer. Merci encore une fois à tous. Tout le plaisir et le nom de vous avoir, et bien d'avoir la position du simple paysan que vous êtes, mais dont la voix et bien transcende notamment les compréhensions et autres, pouvoir véritablement faire large écho pour un retour véritable aux sources. Et bien, nous parlons d'un sujet assez particulier. Beaucoup de personnes ne semblent certainement pas le percevoir, mais ce sont des faits. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'effondrement et bien de l'Occident collectif à tout point de vue, que ce soit sur les plans, sur le plan diplomatique, le plan spirituel, le plan monétaire, et bien tout est en train de s'effondrer. Pourtant, ce n'est pas la perception de plusieurs paysans africains que nous sommes, que vous êtes, qui pensent encore, bien entendu, que cette Europe reste et demeure toute puissante. D'ailleurs, plusieurs en font une parfaite allégeance, toujours à cet Occident super puissant, et beaucoup vous demanderez même d'ailleurs, est-ce que l'Afrique, à un moment donné, a exercé un leadership mondial à une période donnée, Pierre-Paul Moubitan? Bien, oui. Alors là, cette Cette question que nous abordons là est une question fondamentale. Fondamentale parce que ça relève aussi de ce que nous avons évoqué la semaine dernière concernant le système éducatif. Alors, il faut déjà noter que dès que les hommes se mettent à penser, à réfléchir, à philosopher, à cogiter, cela marque toujours le début d'une renaissance, c'est-à-dire d'un siècle de lumière. Si nous jetons un coup d'œil dans l'histoire, nous allons observer, et c'est ce qui voudrait m'intéresser en premier chef là maintenant, d'abord d'aller jusqu'à voir à partir de quel moment l'effondrement d'un peuple, et cette fois-ci en particulier de l'Occident, comment est-ce que l'effondrement commence? À partir de quel moment l'effondrement commence? Il faut noter qu'il y a trois étapes principales qui mènent jusqu'à l'effondrement. La première phase, c'est la phase où le peuple vit un peu comme de manière primitive. Quand je dis primitive, ce n'est pas péjoratif. De manière primitive, ça veut dire respectant les lois naturelles, ne vivant que pour l'essentiel, en résolvant les besoins de base. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a une sorte de vie équilibrée. Hein? Une sorte de vie où, certes, on est proche un peu de l'animal. Encore que là même, il faut savoir que l'homme lui-même est un animal. Oui, on est un peu proche de l'animal, donc de ce qui est naturel, de ce qui est primitif, de ce qui est premier. Ensuite, apparaît un moment où des personnes développées intellectuellement se mettent à aller au-delà de la simple résolution des problèmes basiques et là commencent donc à développer l'intellect. Et nous voyons donc des intellectuels apparaître, des philosophes, des penseurs, bref, ceux qui s'interrogent sur au-delà, sur l'au-delà de ce qui est purement matériel. Et en général, c'est à ce moment-là que apparaissent deux directions. Une direction des personnes qui, tout en pensant et en réfléchissant, veulent continuer à respecter les lois naturelles et, après s'être interrogé sur la mission de l'homme sur la terre, essayent de se lever dans les dimensions de plus en plus abstraites pour essayer de comprendre les fondements de la vie et pour connaître un peu l'univers qui nous environne. Et c'est ainsi que ces personnes-là demeurent une lampe, en quelque sorte, donc, pour le reste de l'humanité. Mais alors, dans une deuxième classification, il y en a qui, donc, réfléchissant, s'interrogeant sur les problèmes psychiques, spirituels et fondamentaux de l'humanité, eh bien, commencent à se laisser dominer par la sensualité, c'est-à-dire par la vie des sens, et deviennent ainsi des philosophes spéculateurs, et ils sont scientifiques certes, ils sont mathématiciens, physiciens, ils sont même artistes et tout, mais ils sont davantage dominés par le matérialisme, malgré leur effort de s'élever dans la transcendance. Et ainsi, on connaît, si on jette un coup d'œil dans la vie, par exemple, de l'Union soviétique, qui nous intéresse particulièrement tous ces jours-ci, avec le leadership que la Russie est en train d'assurer et d'assumer avec une bravoure exceptionnelle. Si nous jetons un coup d'œil sur le développement de la Russie, surtout en repartant vers le 16e siècle, le 17e siècle, et même le 18e, vous allez observer que, après une domination sur le plan de la pensée par l'Europe occidentale, eh bien, l'Europe de l'Est, donc en particulier la Russie, s'est donc réveillée aussi. Et vous savez ce que cela a entraîné. Nous avons vu des philosophes particuliers, des gens comme Karl, hein, des Karl Marx, les Dostoïevski, des gens comme Lopoukhin, eh bien, des gens comme Vladimir Soloviev, de très grands philosophes, des penseurs exceptionnels, qui ont jeté les bases de la Russie actuelle que vous voyez là. Et mais pendant ce temps, à côté, il y avait aussi ceux qui avaient donc choisi l'aspect matérialiste et qui ont donc développé davantage l'idée du nationalisme. Nationalisme qui, à un moment donné, est un facteur de division et même d'empoisonnement de l'humanité et des peuples. Donc ces deux courants se manifestent souvent, pratiquement, au même moment, parce que les deux courants sont éclairés par la lumière originelle, c'est-à-dire par ce que les hommes appellent Dieu. Et c'est ainsi donc que ces courants se séparent, et il y en a donc d'autres qui vont développer des théories sur la guerre, sur la nécessité de rester un peuple soudé, contre bien sûr les autres peuples, parce que quand le nationalisme se développe à un endroit, c'est toujours au détriment d'autres peuples. Et c'est ainsi que ce combat donc s'installe, et voilà que, chacun prenant dans sa route, nous allons voir dans les conséquences. Et généralement, dans ce monde qui est un monde duel, un monde de la dualité, c'est toujours les gens qui choisissent la philosophie matérialiste qui est résumée dans la pensée de Rabelais, qui est un penseur occidental. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Eh bien, toujours, c'est cette caste de penseurs et philosophes et scientifiques et artistes et religieux même qui vont donc, à l'instar de Descartes, que vous connaissez très bien, au XVIe siècle, qui naît au XVIe siècle et qui va influencer aussi pas mal d'autres penseurs et philosophes, qu'ils soient occidentaux ou orientaux, eh bien, à l'instar donc de Descartes, ils vont donc développer une pensée davantage tournée vers la matière et vers la satisfaction, si vous voulez, de l'ego, en flirtant bien sûr avec des pensées religieuses qui sont déjà sclérosées, comme celle du catholicisme romain, qui a influencé bien sûr des penseurs comme Descartes et tout cela. Alors, vous voyez donc que là nous sommes donc, je voulais absolument planter un peu le décor pour que les gens comprennent aussi davantage comment on en arrive là où nous sommes. On arrive là, on n'arrive pas là par hasard. L'Occident ne s'effondre pas par hasard. L'Occident s'effondre à partir d'un choix, à partir d'une victoire que les philosophes matérialistes ont remportée sur les vrais philosophes. Et je disais tout à l'heure que dans l'histoire de l'humanité, dans son évolution, la philosophie, les philosophes spéculateurs remportent énormément de victoires. C'est vrai que la vérité finit toujours par triompher un jour, mais les philosophes spéculateurs, dont matérialistes, remportent tellement de victoires qu'ils entraînent donc les peuples dans la décadence. Et ça a été donc le cas de l'Occident. Vous allez donc voir que des gens, des philosophes, des penseurs qui ont pensé politique, qui ont pensé législation, donc qui ont travaillé sur la question des lois, eh bien, des philosophes qui ont pensé sur le plan économique, des philosophes qui ont pensé dans le domaine de l'armée, de la sécurité, tout cela donc ont, si vous voulez, constitué le leadership. Pour prendre le cas de la Russie et qui donc les a amenés progressivement à s'occuper effectivement uniquement des choses matérielles en laissant de côté la chose purement spirituelle. Et quand vous choisissez la chose purement matérielle au détriment de la chose spirituelle, eh bien, forcément, vous allez vous effondrer. Et c'est ce que l'Occident a fait. C'est le résultat de cela que nous voyons actuellement. Parce que ces philosophes, qui étaient censés éclairer le monde, lider le monde, encadrer le peuple, pour l'amener vers une direction pour leur épanouissement, eh bien, ce leadership est devenu donc tellement matérialiste, et nous voyons donc ce qui s'est passé. Les réminiscences de cela, vous les voyez à travers le discours actuel qu'il y a entre Poutine et l'Occident. Pendant que vous voyez des personnes développer et encourager les amendements de loi pour permettre que la permissivité, que le vice, que le laisser-aller s'installe partout, eh bien, vous voyez comment, pendant ce temps, le discours que Poutine tient en Russie en disant « Mais non, nous voulons rester dans les valeurs orthodoxes, dans les valeurs qui fondent véritablement la vie humaine. » Je peux dire que quand vous écoutez, par exemple, Poutine aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a encore cette volonté de certaines personnes de rester proche ou de se rapprocher de la vérité. Et cette influence, eh bien, nous avons situé dans les trois derniers siècles d'où cela vient. Ce n'est pas un fait de hasard que vous retrouviez, par exemple, aujourd'hui, un Vladimir Poutine. Je ne me demande même si ce n'est même pas une réincarnation de Vladimir Soloviev. Je me demande bien, quand vous voyez un Tolstoï de l'époque et quand je vois son petit-fils à la Douma à l'heure actuelle, je me demande bien si ce n'est même pas soit la réincarnation de Tolstoï ou bien l'influence effectivement de son grand-père qui le bombre et qui le fait avoir la posture qu'il a actuellement. Vous voyez, ce n'est pas un fait de hasard. Les gens ont bien se retrouver maintenant, mais on ne sait pas d'où la Russie de ces trois derniers siècles est partie. Donc je voulais resituer ça et dire aux gens qu'à un moment donné, donc, l'Occident qui était leader dans l'Europe de l'Ouest, et donc l'Occident avec les États-Unis, parce que vous savez, quand on parle de l'Europe de l'Ouest, tout de suite, hein, on pense aux États-Unis. C'est l'Europe de l'Ouest qui a colonisé les États-Unis, avec l'Angleterre et tout cela, vous le savez très bien. Et donc du coup, vous voyez qu'à un moment donné, la Russie a remporté la guerre idéologique, c'est-à-dire au niveau de la brillance, quand l'Europe occidentale a commencé à sombrer. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. L'Occident a commencé à sombrer il y a plus de 100 ans. Ça aussi, les gens ne savent pas. Ils se disent que c'est hier que ça a démarré. Non, l'Europe a commencé à sombrer et elle a commencé à être décadente depuis au moins un siècle. Et pendant ce temps, la Russie qui s'est réveillée, l'Europe de l'Est, qui s'est réveillée après l'Europe de l'Ouest, a continué à briller. De telle sorte qu'on a vu, par exemple, l'avènement du communisme qui a permis effectivement par exemple, la Chine et d'ailleurs même la Russie aussi deviennent des puissances extraordinaires actuellement qui menacent bien la stabilité même des États-Unis et de l'Occident en général. Donc, c'était bien pour moi, je voulais vraiment évoquer d'abord ça pour que nous puissions voir que, oui, le leadership part toujours des penseurs et donc des philosophes. C'est de là que cela part. Et nous allons donc voir par la suite que si donc, puisque c'est aussi la loi, lorsqu'un peuple décline quelque part, il y en a un autre qui se lève. Est-ce que à l'heure actuelle, où l'Orient et l'Occident sont tous en train de décliner, parce qu'il y en a qui commencent encore à dire, oui, le 3e siècle, le 21e siècle sera chinois, sera oriental. Non, tous ont choisi aujourd'hui des voies du déclin et de la décadence. Il ne reste que l'Afrique maintenant qui peut, à son tour, par la pensée soutenue en générant et en manifestant des véritables philosophes, dont des penseurs, qui s'élèvent au-delà de la conscience du ventre, pour réfléchir sur la condition humaine profonde, totale, holistique, afin que nous puissions nous aussi connaître notre siècle de lumière et ainsi pouvoir conduire le leadership, y compris mondial. Parce que lorsque vous regardez aujourd'hui la situation, on pourrait demander, mais est-ce qu'avec ce convoi-là, est-ce que l'Afrique va construire les AWACS, hein, les fusées, les machins et tout? Est-ce que ce sera le développement? Est-ce que le développement veut dire absolument avoir des fusées, des machins et tout cela? Donc, voilà le questionnement que j'ai voulu vraiment soulever au départ, et je reste disponible, bien sûr, pour la continuation de ces échanges. Grand prêtre, et on va y aller d'une manière crescendo pour nous permettre de mieux apprécier ce fait d'actualité. C'est vrai que le premier pan, voilà, le premier axe de nos échanges concerne véritablement cette Europe, l'Europe collective qui est donc en train de s'effondrer. Quelles sont justement les marques de l'effondrement de cette Europe-là? Et vous êtes revenu là-dessus, et dans la seconde dorsale, on tentera véritablement justement de questionner la position de l'Afrique pour servir véritablement de rayonnement au monde entier. Donc, et vous l'avez si bien dit, d'ailleurs, qu'un peuple s'élève véritablement par le truchement de ses leaders, et il s'effondre aussi par le truchement de ces derniers. Le cas aujourd'hui de cette Europe collective qui est, selon en tout cas à toute vraisemblance, une Europe qui a été construite notamment par des philosophes spéculateurs ou alors matérialistes. Et vous le dites si bien. Pourtant, si aujourd'hui on semble faire le procès des travaux, voilà, des réflexions menées jusqu'ici par ces philosophes spéculateurs, il y a que Pierre-Paul, ils ont réussi ce que l'on considère aujourd'hui comme étant une véritable révolution à tout point de vue, sur le point de la pensée, même si l'on peut faire véritablement le procès aujourd'hui de cette guerre, de ces idéaux qui ont été plus ou moins véhiculé à un moment donné par l'Europe de l'Ouest, qui aujourd'hui semble être aux antipodes même de la vie humaine. Il y a quand même, alors il reste que ces philosophes spéculateurs ont quand même porté l'humanité avec notamment ces révolutions qui vont avec. Est-ce que c'est davantage ces idéaux qui ont porté, on va dire, la civilisation occidentale, qui font l'objet d'un véritable procès aujourd'hui, ou alors les réalisations qui ont été menées jusqu'ici, notamment les révolutions industrielles et j'en passe. Alors, j'évoquais tout à l'heure la question des deux axes, des deux orientations qui sont souvent possibles lorsque, à un moment donné, les gens se mettent à penser, à philosopher. Il y en a qui, en pensant et en philosophant, mettent davantage l'accent sur la matière, c'est-à-dire sur, si vous voulez, le bien-être matériel des hommes. Il y a un autre courant qui dit le véritable bien-être est d'abord le bien-être intérieur, c'est-à-dire la paix intérieure, la sérénité intérieure que l'homme peut avoir, dont, et qui va se refléter dans son environnement immédiat, par exemple en influençant les autres hommes et en les entraînant vers l'évolution. Et donc ces deux courants souvent donc s'affrontent. Vous avez vu des gens, des philosophes comme les Kant, comme eux-mêmes influencés par les autres. Vous avez vu qu'à un moment donné, il y a toujours ce combat. Et j'ai dit tout à l'heure que ceux qui s'occupent davantage de la matière finissent toujours par remporter ces combats, et cela est souvent donc prélude à la décadence de ce peuple et de ce leadership. Maintenant, nous ne pouvons pas nier que, effectivement, à partir de cette pensée concrète, à partir de ces préoccupations sur le plan concret, eh bien, il y a eu, si vous voulez, une amélioration dans la circulation des biens et des personnes. Personne ne peut douter de cela. Il est clair que des milliers d'êtres sur la Terre ont pu s'alphabétiser et pouvoir avoir des rudiments qui leur permettaient de pouvoir aussi être, si vous voulez, outillé pour la vie en société et la vie du monde en général, puisque le village, le monde est devenu un véritable village planétaire. Il est certes aussi honnête, on doit être honnête de reconnaître que, eh bien, ces choix de ces philosophes matérialistes et spéculateurs ont par exemple permis qu'il y ait des batailles contre les pandémies, contre les épidémies. La science médicale, par exemple, a amélioré son plateau technique. Nous savons très bien que la communication aujourd'hui que nous faisons en ce moment où on partage avec les autres sur la Terre, ça a été grâce aux découvertes de cette science. Oui, mais le problème, ce n'est pas la science qui est un problème, qui est un danger. C'est plutôt l'état de conscience des personnes qui saisissent les vérités scientifiques et les choix qu'ils opèrent pour les mettre en œuvre. C'est cela qui rend la science dangereuse et délicate. Lorsque, par exemple, Einstein mettait en exergue l'équation E égale mc carré, eh bien, il me semble que il n'avait pas dans la pensée que cela va être utilisé, par exemple, pour fabriquer des bombes qui vont décimer l'humanité. Mais pourtant, nous en sommes là. Donc, c'est pour dire, en fait, que le procès, même si on devait le faire, n'est pas contre la science. Mais c'est contre ceux qui, à un moment donné, assurant le leadership, qui parfois même est assuré à travers des compromissions avec les tares du monde, avec les insuffisances du monde. Il y a des compromissions qui s'opèrent. À un moment donné, il y a des leaders, par exemple des chefs d'État, des rois et consorts, qui deviennent tellement matérialistes que la corruption s'installe dans tout le peuple et s'installe donc ce qu'on appelle la jungle. Et vous vous souvenez des luttes des classes qui, à un moment donné, dans l'Asie, dans l'Est de l'époque, à l'époque, avec la révolution, je reviens encore en Russie, avec la révolution agraire qui a eu lieu à un moment donné en Russie. On a connu cela aussi en Chine. C'est-à-dire, à un moment donné, quand les leaders se préoccupent essentiellement de leur intérêt propre, mettant en place donc une oligarchie, parce que c'est de là que naissent les oligarchies. Les oligarchies viennent du fait qu'à un moment donné, des penseurs sont enchaînés dans la matérialité, dans le matérialisme, et ils commencent à travailler non point pour l'intérêt du peuple, mais pour leur propre intérêt. Et vous voyez donc que ce n'est pas la faute de la science. Ce n'est pas la faute de la réflexion, mais c'est la faute de l'état de conscience de ceux qui sont appelés maintenant, non seulement à diffuser ces idées, à développer des philosophies particulières et à leader le peuple, à guider et à conduire le peuple. Mais il arrive, comme vous allez le constater, qu'à un moment donné, eh bien, de l'histoire de l'humanité, le peuple, comme c'est le cas en ce moment, a les occasions d'arriver presque au même niveau d'information que l'oligarchie et ceux qui dirigent. Et c'est de là que naissent donc les révolutions. Parce que la révolution vient de ce que la masse, la plus grande partie des populations, commence à être au courant non seulement de la vie ostentatoire que mènent les oligarques. Et cela crée des frustrations. Et cela fait en sorte que le peuple commence à voir de manière très claire comment est-ce que les gens s'embourgeoisent et s'accaparent des biens publics uniquement pour eux seuls. Dès que le peuple commence à être suffisamment informé, c'est le cas de l'Afrique aujourd'hui, eh bien, il y a des risques que des révolutions donc se déclenchent. Il y a des risques, par exemple, que les peuples poussent l'armée à prendre le pouvoir de manière à ce que la distribution des biens et du bonheur, ne serait-ce que celui matériel, puisse devenir une réalité. Donc, je voudrais encore dire que le procès n'est pas donc contre la science, contre la religion, contre l'art, mais il est contre ceux qui, dans la faiblesse de la chair, comme on le dit souvent dans les milieux religieux, vont donc devenir à un moment donné, plutôt, au lieu d'être des leaders, ils vont devenir les bourreaux des peuples. Et c'est là où, évidemment, comme vous voyez ce qui se passe en Europe actuellement, regardez en France, des donneurs de leçons, qui font des leçons de démocratie, parlent de démocratie tous les jours, ils ne sont pas capables de laisser leurs frères exprimer leur ras-le-bol, décrier tout ce qu'ils imposent au peuple et tout, donc vous voyez que finalement, c'est parce que tout le monde est déjà au courant, les réseaux sociaux sont là, ce n'est plus seulement l'État qui domine les milieux de la communication, il y a la communication privée et tout cela, donc tout le monde est au courant, et du coup, eh bien, la révolution commence à avoir lieu. Maintenant, cette révolution peut être une révolution violente ou elle peut être non violente. Elle est violente si ce sont encore une fois les oligarques qui, fatigués de voir les autres jouir, veulent aussi jouir. Elle peut aussi être non violente lorsque des personnes avec une conscience élevée, aimant foncièrement le peuple, se mettent donc à travailler de telle sorte que l'intérêt collectif, l'intérêt général soit privilégié pour que tout le monde puisse goûter le bonheur de vivre sur la terre. Et donc, vous voyez que là, je voulais vraiment préciser cela. Il n'y a pas de procès contre la science, contre la religion, contre l'art, mais il y a un procès contre ceux qui dévient, contre ceux qui passent totalement à côté de la plaque et se retrouvent donc dans le matérialisme le plus abject avec tout ce que nous connaissons. Je ne vais pas rater de dire un petit mot sur ce que je viens de voir sur les réseaux sociaux, parce que je ne suis pas sûr que vous m'en donnerez l'occasion après. Je constate que quelqu'un, une très grande sommité mondiale, appréciée par le monde, à cause de ses prises de position et de ce combat, de son combat pour le peuple, entre guillemets, s'est retrouvé en train de sucer la langue d'un petit garçon, hein, la pédophilie au grand jour. Hein. Alors, vous voyez, je ne peux pas rater de dire un mot là-dessus pour dire aux gens, faites très attention lorsque le monde, et surtout le monde occidental actuel, apprécie un soi-disant leader. Faites très attention. Quand le monde occidental décadent apprécie quelqu'un, je vous dis, faites très attention. Il y a de fortes chances que lorsque l'Occident est contre quelqu'un, il y a de fortes chances que ce soit là la personne qu'il faut. Je voulais juste dire un petit mot par rapport à ça. Et dire aux gens, attention, ce n'est pas parce que des gens se placent dans un piédestal et qu'ils sont forcément des modèles. Parce que là, par exemple, vous avez en face un religieux. Vous avez en face un scientifique même, je pourrais dire. Vous avez en face quelqu'un qui a quand même la carrure et donc qui peut jouir de, si vous voulez, la présomption d'être de haute moralité. Mais lorsque vous voyez ce qui se passe, vous comprenez donc que Satan peut se transformer en ange de lumière. Donc c'était tout simplement une petite digression pour ne pas rater cette occasion-là, pour dire aux gens, l'Afrique doit être maintenant très très lucide et ne plus rien attendre de l'Occident qui est déjà clairement, qui a sombré, qui s'est effondré dans tous les domaines, scientifiques, philosophiques donc, artistiques et religieux. C'est fini ça. L'Occident est terminé. Et vous voyez, l'autodestruction a d'ailleurs démarré. Parce que l'Occident va s'autodétruire. Ce n'est pas l'Afrique qui va le faire. Ce n'est même pas l'Asie qui va le faire. C'est l'Occident lui-même qui va s'autodétruire. Nous en parlons depuis des années. Et le moment de l'autodestruction est déjà arrivé. Voilà, monsieur Ndoum. Très finement, vous, grand prêtre. Il y a d'ailleurs cet homme politique africain qui disait à son peuple, jour, vous les entendrez parlant de l'Occident collectif, m'acclamer. Ça, c'est que je ne travaille pas pour vous. Du moins, j'ai cessé de travailler pour vous. Et le jour, ils décideront de tirer sur moi balle réelle ou pas. Sachez que c'est ce jour-là que j'ai d'ores et déjà commencé à travailler pour vous. Alors, nous restons pour nous intéresser cette fois-là au continent africain. Vous avez bien fait de clarifier votre position sur cette question de la science. Vous ne faites pas de procès donc contre la science, mais contre ces philosophes entre guillemets qui sont donc devenus les véritables bourreaux du peuple. Seulement sur le continent africain, Pierre-Paul, vous m'en direz quelque chose là-dessus tout à l'heure. On a plutôt l'impression que les bourreaux d'hier, qui sont pourtant dénoncés par une Afrique libre, sont plus ou moins considérés en guillemets comme étant des modèles sur le continent africain. Dans le cas d'espèce, comment est-ce que l'Afrique devra faire pour pouvoir construire donc une classe de leadership qui va, une classe de philosophes, une classe d'hommes religieux, une classe de paysans qui va certainement se tenir à la brèche pour essayer véritablement de donner un autre son de cloche, celui qui va d'ailleurs rappeler à l'Afrique combien elle est forte et combien elle a de la capacité véritablement à pouvoir s'affirmer. Il y a d'ailleurs, vous avez évoqué les réseaux sociaux tout à l'heure, il y a un célèbre artiste français qui a fait une sortie qui est du moins considérée en Europe comme étant une véritable catastrophe. Il dit que l'Europe a tout pillé ou alors a tout copié en Afrique. Une sortie qui, il y a plusieurs années, Maître Gims, pour ne pas le nommer, une sortie qu'il y a plusieurs années ne serait pas d'actualité. Cela laisse quand même croire qu'il y a comme une espèce de montée en puissance d'un autre leadership, mais un leadership malheureusement qui ne tient pas les manettes, qui ne tient pas les leviers politiques, les leviers économiques, et qui est parfois même étouffé par ceux qui sont censés véritablement conduire, j'ai envie de dire, alors diligenter véritablement ces révolutions-là. Dans le contexte africain, est-ce que ce ne sera pas davantage complexe de pouvoir davantage gérer les questions endogènes ou alors les conflits endogènes que c'est exogène finalement? Oui, et là même... la manière donc dont tu chutes là ouvre effectivement un champ de réflexion. Alors, il faut savoir que en ce moment, oui, le réveil de l'Afrique est déjà une réalité. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ni encore un projet. Le réveil est déjà une réalité. C'est-à-dire que de plus en plus, des forces positives sont en train de polariser ce que les Africains avaient en eux comme talent. Je pense ici, par exemple, au courage. Les Africains étaient tétanisés par la rencontre avec l'Occident suite à la traite négrière et à la colonisation. Mais aujourd'hui, les forces de l'atmosphère, contenu dans l'atmosphère, sont en train de polariser le courage des Africains. Parce que les gens se demandent, mais d'où ils tirent ce courage? Mais ce courage était latent. Parce qu'on a été tétanisé par des gens qui étaient d'une violence incroyable, qui avaient déclaré carrément que, par exemple, les Africains n'avaient pas d'âme. Tu vois? Et quand vous regardez, donc j'ai parlé tout à l'heure des philosophes, des penseurs matérialistes, qui pourtant faisaient de la poésie, hein, qui faisaient de la musique et tout cela. Mais quand vous entendez finalement leur pensée concernant l'Afrique, ben ces gens-là, comme c'était le cas de Victor Hugo, qui a fait pourtant de très belles œuvres sur le plan littéraire, de la littérature, mais qui affirmait que les Africains, les nègres en particulier, n'avaient même pas de, on n'avait pas de raison de pouvoir les considérer comme des humains et qu'il fallait tout faire pour eux parce qu'ils n'avaient même pas les aptitudes nécessaires pour pouvoir cogiter et tout cela. Vous voyez un peu ça? Et qu'est-ce qui faisait cela? Mais c'est parce que ces personnes, pourtant dotées des facultés, des possibilités sur le plan scientifique, hein, sur le plan de la réflexion, mais avaient en eux une manifestation du racisme qui faisait qu'ils n'étaient pas capables de voir ce qui était bien chez l'Africain. Heureusement que certains autres, surtout ceux qui sont venus en Égypte pendant que l'Égypte rayonnait, ils ont fait des témoignages qui aujourd'hui nous permettent de comprendre clairement qu'ils ont vu que les Africains étaient les êtres les plus développés sur le plan moral, sur le plan éthique, au niveau même de la science. Ils ont laissé des témoignages. Pensez à tous ces historiens qui se sont promenés en Afrique. Hein? Pensez à tous ces philosophes, les Aristote, les Démocrite, les Platon, les Pythagore, les Socrate et autres, qui se sont approchés de l'Afrique et qui ont été émerveillés par ce que l'Afrique est en réalité. Or l'Afrique, c'est ses enfants aussi. Ce n'est pas seulement son environnement, c'est aussi ses enfants. Donc, ce complexe que nous avons développé, qu'on a accepté, parce qu'on a été tétanisé, nous avait empêché donc d'être courageux. Maintenant, le courage s'est réveillé. Cette faculté s'est remise à se manifester auprès des Africains et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les Africains peuvent s'exprimer et vous voyez des leaders de la société civile, des hommes politiques et autres qui prennent des positions qui n'étaient pratiquement pas imaginables, qui se dressent même contre la France par exemple. C'était inimaginable il y a un moment, mais là maintenant le courage est revenu. Et tout cela, je voudrais dire, c'est polarisé par les rayonnements qui viennent de la divinité qui veut maintenant rétablir la justice, qui veut rétablir l'ordre. Parce que nous avons créé de manière générale dans nos choix, évidemment, le désordre. Maintenant, tu faisais allusion au fait que des leaders africains continuent de prendre comme modèle des occidentaux en ce moment. C'est dommage parce qu'il y en a d'autres qui n'arrivent même pas à faire des bons choix, ne serait-ce que dans la lecture. Mais on ne lit pas n'importe quoi. Même quand il faut lire, il faut aussi s'intéresser à la vie de la personne qui a écrit telle ou telle chose. Parce que il y a des fois que je me demande souvent comment des gens peuvent apprécier par exemple la littérature que quelqu'un produit alors qu'il peut se présenter comme un agneau, alors qu'il est en réalité un loup. Et c'est les gens dont s'intéressent à ce qu'il écrit, mais ils ne s'intéressent pas à sa vie. C'est même pour cela que les grands hommes en général font tout souvent pour laisser à l'humanité leur autobiographie. Une autobiographie souvent où ils disent de manière réelle et sincère et transparente comment ils ont vécu, quelles ont été leurs expériences de vie, comment est-ce qu'ils ont résolu leurs problèmes sociaux, comment est-ce qu'ils ont apporté leur contribution, et cela de manière objective, sans chercher à colorer quoi que ce soit. Vous pensez à des auteurs qui chaque fois écrivent ce qu'ils appellent les confessions. Donc c'est pour dire en fait que c'est une des erreurs que nous commettons, nous ne cherchons pas à savoir ce que nous apprécions, quelle est leur vie réelle. Il y a des auteurs, certes, qui ont laissé une littérature extraordinaire qui peut constituer des balises pour les Africains actuellement. Mais attention, ce que nous disons, nous avons évoqué ça pendant l'émission dernière sur le système éducatif. Les savoirs, les modèles, il ne faut pas aller les chercher loin de chez vous. Parce qu'il y a un dicton mieux vaut le fou de chez soi que le sage d'ailleurs. Mieux vaut le fou de chez soi que le sage d'ailleurs. Il y a actuellement en Afrique et au Cameroun des personnes, lorsque je les écoute ou je lis certains fragments de leurs écrits, qui peuvent être considérés comme des philosophes. Parce que le philosophe a la particularité d'être en même temps un scientifique, un religieux, donc un spiritualiste, et en même temps un artiste. Ça, c'est la particularité des philosophes. Parce que lorsque vous commencez à penser, à philosopher, à entrer dans les abstractions, eh bien, la sphère macrocosmique, le cosmos, joue à travers vous la musique. Le cosmos joue à travers vous la symphonie. Le cosmos, à travers vous, invente. Le cosmos, à travers vous, montre la voie de la réunion avec la vérité. Donc, nous voyons clairement que, actuellement, en Afrique, nous devons mettre l'emphase sur le nouveau système éducatif qui seul est capable de générer une Afrique décomplexée, une Afrique conquérante sur elle-même, et une Afrique qui est capable de pouvoir assumer donc le leadership, puisque ce leadership est dévolu à l'heure où je vous parle à l'Afrique. Quand on va aborder cela, nous allons vous en donner les éléments précis et concrets. Donc, cessons de penser que ce sont ceux qui sont en Occident qui peuvent nous apporter quoi que ce soit, même si on ne néglige pas un travail extraordinaire que certains d'entre eux ont pu accomplir. Aujourd'hui, je suis par exemple heureux, moi, d'avoir dans ma bibliothèque les ouvrages de Lopoukine, les ouvrages d'Emmanuel Kant, les ouvrages de certains philosophes occidentaux, mais qui ont fait un travail de réflexion extraordinaire. Mais il faut aussi savoir que en Afrique, on retrouve à l'heure actuelle des philosophes, des penseurs qui sont en train d'essayer de se libérer de ces chaînes. Et c'est pour cela que je disais, il faut donc que les paysans, puisque maintenant ils sont aussi capables d'écouter, de regarder les émissions dans les télévisions, de regarder sur le net, de plus en plus le réseau Internet est disponible dans les villages en Afrique, il ne faut plus que le paysan d'aujourd'hui soit le paysan d'hier. Il doit être informé au fait de ce qui se passe et pouvoir donc se mettre aussi dans une posture de questionnement, de pensée et de réflexion. La pensée et la réflexion n'est pas seulement l'apanage de ceux qui sont allés à l'école de Charlemagne. On peut être illettré en français et lettré en Nougounou, qui est ma langue. Il faut le savoir, c'est très important. Il y a une pensée riche dans chaque peuple africain qui est conservée dans nos traditions, dans nos dictons, dans nos mythes, dans nos proverbes. Il y a une grande richesse qui est contenue dedans. Il faut tout simplement que, eh bien, un nouveau leadership apparaisse. Et vous pouvez être sûr, Monsieur Ndoum, il est en train d'arriver. Parce que une émission ou des émissions comme celle que nous produisons là, vous ne pensez quand même pas que c'est en train d'influencer la jeunesse africaine qui de plus en plus prend conscience de la nécessité de développer ses talents pour, par la suite, eh bien, pouvoir assurer le leadership du monde. Cela est faisable. Grand prêtre, dans un quart d'heure comme cela, on va ouvrir notamment les débats, les échanges, notamment à nos amis internautes qui soit peuvent apporter des contributions alors des interrogations sur cette thématique qui nous intéresse alors que nous observons donc avec véritablement, nous observons l'effondrement effectif de l'Occident. collectif, l'Afrique peut-elle finalement donc assurer le leadership mondial, une problématique au cœur de cette autre édition de la Renaissance africaine? Oui, il y a donc ce véritable blocus à l'interne, et vous l'avez si bien dit, grand prêtre, qui risquerait freiner donc ces dynamiques, mais ne pourra pas totalement, eh bien, je dis quoi, l'associer, parce que la dynamique, elle est en marche, elle est en place. Elle prendra le temps qu'elle prendra, mais finira absolument par se mettre en place, comme cette longue marche de Mao Tse-Tung, une histoire assez intéressante, notamment de la libération et de la civilisation même chinoise. Oui, elle fut longue, elle fut périlleuse, elle fut difficile, mais elle a été là, elle a porté, du moins elle porte les fruits que nous pouvons voir aujourd'hui avec cet empire du milieu qui s'affirme aujourd'hui à tout point de vue. Seulement, la question et l'autre préoccupation est celle-ci, grand prêtre, est-ce que dans... Je ne parlerai pas de l'imagerie populaire, je voudrais m'intéresser cette fois-là à la démarche, eh bien, de nos politiciens qui gèrent finalement nos, qui sont à la tête de nos États. Est-ce qu'on a l'impression que eux, ils sont aussi conscients du fait que l'on est finalement arrivé à la croisée des chemins et que face à cette Europe qui est en train de s'effondrer, cette Europe prédatrice, cette Europe qui a donc terrorisé, tétanisé justement le continent africain pendant plusieurs siècles, que le continent africain devrait davantage s'affirmer, prendre la place qui lui revient. Parce que dans les démarches que l'on observe aujourd'hui, pour prendre le cas notamment avec un pays de l'Europe de l'Est que vous avez évoqué tout à l'heure, la Russie, beaucoup pensent d'ailleurs que la Russie serait finalement un bouclier pour le continent africain pour essayer de se défaire de la pression occidentale. Alors qu'il y a d'autres, une autre opinion qui pense d'ailleurs que la Russie, tout comme l'Afrique également, devrait se chercher et que chacun devrait essayer autant que faire se peut de tirer véritablement profit de ce bienheureux maillage et mariage qui finalement va donc entériner cet effondrement de l'Europe collective et impérialiste qui devrait absolument faire sa mue. Comment est-ce que les hommes politiques devraient finalement donc jouer autour de cette passerelle qui se pose et justement qui se pose à eux aujourd'hui? Bien, moi je dois quand même dire honnêtement que moi je ne compte plus sur les hommes politiques actuels. Je pense que c'est une erreur. Autant ils sont, oui, ils sont. On a certes bien fait de faire parfois leur procès, mais le fait là, il gère les affaires courantes de l'État, il est à la tête de nos États et donc on doit absolument composer avec notamment leur dynamique. Oui, c'est même pour cela que nous prenons la révolution non violente. Et nous disons, c'est un système, il y a un système néocolonial qui est encore en œuvre en Afrique. Il faut le laisser mourir et faire germer un autre système. Voilà notre formule. Nous ne sommes pas pour la casse. Nous sommes pour, si vous voulez, la mort pour la vie. C'est-à-dire, on laisse un système mourir de lui-même, parce que le système néocolonial s'effondre aussi avec le système colonial. Lui aussi s'effondre. Parce que c'est le même sang, la même énergie de ce système colonial qui circule dans les veines des néocoloniaux actuels en Afrique. Donc ils vont s'effondrer ensemble. Nous ne devons plus nous occuper de ça. Ce qu'il faut, c'est qu'à partir des villages maintenant, à partir de la base, de la jeunesse, lui donner une autre orientation. Dire par exemple aux jeunes, les jeunes, allez pratiquer l'agriculture. Mais je voudrais être encore davantage concret. Parce que c'est à travers l'agriculture qu'il est possible de pouvoir se développer sans se corrompre. Mais regardez, quand on parle de Tolstoï, par exemple, en Russie, ben est-ce que les gens savent? La jeunesse ne sait pas que Tolstoï, c'était un paysan, un agriculteur. Les gens ne savent pas que tous ces grands qui ont pensé, ces grands philosophes, étaient presque majoritairement des agriculteurs. Mais on doit le leur dire. Et comme on ne le dit pas donc assez, dans le système éducatif actuel, qui est tributaire du colonialisme, et donc qui est néocolon, nous avons la charge maintenant de le dire. Et de dire à la jeunesse, allez pratiquer l'agriculture. Moi qui vous parle aujourd'hui, monsieur Ndoum, si je n'étais pas devenu agriculteur paysan, alors que je suis né en ville, je ne suis pas sûr que j'aurais une liberté de pensée telle que je l'ai actuellement. J'aurais continué à être dans des compromis. J'aurais continué à accepter certaines situations parce que je ne pouvais pas faire autrement, parce que j'avais une famille à entretenir. Mais le fait d'avoir été agriculteur, d'avoir appris à planter ce que je vais manger, à planter ce qui va me permettre de tisser mon vêtement, à planter ce qui va me permettre de me soigner lorsque je suis malade, à planter ce qui va me permettre de construire la case dans laquelle je vais dormir. Mais c'est parce que je l'ai fait que maintenant je suis libre de mes opinions, que je n'imite personne, aucun occidental. Je suis en communion avec la nature et la pensée qui germe de mon être est une pensée libre, non édulcorée par les compromissions ou par les compromis. Donc c'est ce que nous devons faire actuellement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous savons, et nous leur sommes gré, les efforts que certains leaders africains, certains responsables politiques africains sont en train de faire comme effort pour au moins prendre conscience qu'ils doivent choisir leur peuple au lieu de choisir leurs mentors occidentaux. Ils sont en train de prendre progressivement conscience. Eux-mêmes, ils étaient dans une prison. Et vous ne pouvez pas en vouloir à un prisonnier. Les actes d'un prisonnier à l'intérieur de la prison, vraiment, ne sont quand même pas condamnables. Parce qu'il est prisonnier, il n'est pas libre. Donc, vous voyez que nous sommes là en face d'une situation où, nous le redisons encore, oui, nous savons que nos chefs d'État et nos rois ne sont pas libres. Nous le savons. Mais c'est nous qui devons les libérer. Au lieu de passer toute la vie, du matin au soir, à critiquer nos chefs d'État, à dire qu'ils sont ceci, ils ont fait cela et tout, qu'ils ont duré au pouvoir pendant longtemps. Au lieu de passer le temps, l'énergie que les gens voient là, les gens déployer pour invectiver, insulter les chefs d'État et tout, s'ils mettaient cette énergie dans le retour à la vie, la vraie vie, s'ils mettaient cette énergie pour commencer à devenir autonome et libre, je pense qu'on irait plus vite. Tu as fait allusion tout à l'heure à la longue marche de Mao Tse-Tung. La révolution, ce n'est pas une histoire. C'est les révolutions violentes qui sont une histoire qui naissent spontanément. Mais les vraies révolutions, c'est une construction, messieurs. Ça prend du temps. Dans le cas d'espèce où moi je travaille aujourd'hui, de mon vivant là, je ne sais pas si moi je verrai les fruits, si je consommerai les fruits du travail que nous sommes en train d'accomplir actuellement. Je ne dois pas être là pour voir absolument que c'est moi qui récolte les fruits du manguier que je plante maintenant. Je dois penser aux générations futures qui viendront manger ces mangues. Donc c'est pour dire en fait que, oui, nous savons que cela est difficile. Nous avons des chefs d'État prisonniers. Nous devons les libérer maintenant en les laissant achever leurs tâches et en ouvrant désormais les yeux, en devenant une veille citoyenne en permanence lucide, capable de dénoncer le mal et de pouvoir prendre les sentiers de l'autonomisation de l'Afrique. Cela est possible. Nous avons tout pour cela. Nous avons toutes les richesses nécessaires. C'est vrai que les gens ne pensent que aux richesses du sous-sol. Mais nous avons des richesses dans la mesure où la nature nous a gratifié d'un paradis. L'Afrique est un paradis. Ensuite, la nature nous a gratifié d'une humanité, c'est-à-dire des hommes qui sont encore proches de la nature. La nature nous a gratifié d'un espace où nous pouvons cultiver pour manger sans détruire le sol, sans se rendre malade. Mettons l'emphase là-dessus. Et à partir de là maintenant, quand ceux qui dirigent actuellement vont quitter, libérer le plancher, parce que c'est naturel, mais ils vont partir, ça c'est clair. Mais il ne faut pas que les remplacements se fassent encore par le principe de « on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul ». C'est-à-dire que si finalement, comme ça s'est passé au Burkina Faso par exemple, à l'époque, on dit qu'on chasse un néocolon, et après on a mis quelqu'un d'autre qui était aussi néocolon, qui devait continuer encore à faire le même travail. Aujourd'hui, les armées sont en train de prendre leurs responsabilités en Afrique. Moi, je l'ai dit et je ne m'en cache pas. Moi, ça ne me gêne pas du tout que l'armée se mêle du pouvoir en Afrique. Moi, ça ne me gêne en rien du tout. Si c'est par là que nous devons passer, mais il faut le faire. Parce qu'au moins, il y a deux choses qui sont sûres. Quand le prédateur occidental a affaire à l'armée, il sait quand même qu'il doit mettre un peu les gants. Quand la population a affaire à l'armée, elle sait qu'il faut faire un peu attention. Donc tout cela peut être prélude à une véritable révolution non violente qui peut conduire l'Afrique vers des lendemains meilleurs en créant donc un ensemble de jeunes penseurs, de jeunes philosophes. Pas ceux qui partent enregistrer les cours de philosophie à l'école. Je parle des penseurs. Parce qu'on peut être philosophe sans avoir été à l'école pour apprendre à parler français. On peut philosopher en utilisant et en transmettant les résultats de sa pensée dans n'importe quelle langue africaine. On n'a même pas besoin d'avoir une langue unique. Donc voilà ce que je pense par rapport à cela. On va donc parcourir notamment la toile sur WhatsApp, mais également sur plusieurs autres plateformes numériques pour essayer donc de recueillir les différentes préoccupations de nos amis internautes qui nous retrouvent chaque samedi pour bien entendu apporter leurs éventuelles questions. Nous allons avec Messa qui nous écrit, Messa à Louise justement, grand prêtre, quelles sont donc la question, les moyens ou si l'on peut dire les armes que l'Afrique devra certainement user pour assurer le leadership mondial face à l'effondrement des autres. Mais je l'ai déjà pratiquement dit, la première arme, c'est la pensée. Parce que c'est à partir de la pensée qu'on crée. Et il faut que ce soit une pensée généreuse. Il faut que ce soit une pensée qui est dépouillée du matérialisme. Ce n'est qu'une pensée dépouillée du matérialisme qui est à même de mettre la matière en mouvement. Ce n'est qu'une pensée dépouillée du vice qui peut donner une orientation positive. La vraie arme aujourd'hui, il y a un penseur, un poète, un écrivain camerounais qui est en même temps homme politique, qui avait sorti un ouvrage où il parlait de l'urgence de la pensée. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de lire ce livre. Je ne sais pas si il parlait de la même pensée que nous. Mais je pense que il faut absolument que on pense. Qu'on laisse les questions de la pense. Parce que la pense nous abrutit. Mais la pensée nous élève. Lorsque nous regardons globalement à l'heure actuelle, que ce soit les intellectuels, les religieux, les artistes, tout le monde est dans la panse. Tout le monde cherche à manger et à manger beaucoup, quitte à avoir même une pléthore. Tout le monde est dans la panse. Bon, pour être un peu plus respectueux, est dans l'estomac, dans le ventre. Donc, il faut qu'on cesse de vivre dans le ventre et le bas-ventre pour s'élever vers la pensée. Et cela doit se faire dans tous les domaines, dans cette triptyque qui nous est chère. Il faudrait que nous arrivions à faire cette synthèse merveilleuse des trois que sont la religion, la science et l'art. Ce n'est que cette synthèse rendue opérationnelle dans la vie de tous les jours qui est capable de nous garantir un épanouissement et un développement certain qui peut s'étendre sur la durée. Cela a déjà été fait en Afrique dans le passé. Les royaumes glorieux de l'Afrique dans le passé l'ont déjà expérimenté. On n'a qu'à refaire. On ne va rien faire de nouveau. Ça a déjà été fait. Pour le refaire, il faut avoir le courage d'opérer un retournement. Il faut opérer un véritable changement fondamental. Il faut un revirement fondamental. Il faut une révolution. Et cette révolution doit d'abord amener chacun de nous à remporter la victoire sur lui-même, sur les pulsions qui viennent du ventre et du bas-ventre, afin que la lumière puisse naître du cœur de l'homme et ainsi irriguer sa pensée pour que l'intérêt général devienne une priorité pour tous. Voilà les armes qu'il nous faut. Il nous faut absolument éveiller en nous la sagesse et l'amour, la bonté et la justice. Il faut que la vérité y irrigue tout notre système circulatoire. Il faut que la vérité irrigue notre sang. Nous devons tourner le dos à ce qui est illusoire et mensonger pour s'intéresser à ce qui est durable, éternel, immuable. Donc, nous avons besoin de la régénération des philosophes. Il faut que les philosophes renaissent. Ce sont les philosophes qui apportent la renaissance. L'histoire le démontre à souhait. Nous souhaitons qu'il y ait de plus en plus de jeunes philosophes en Afrique. Voilà les armes. Compris, grand prêtre. Vogo également nous écrit depuis Douala. Alors, bonjour Afrique Média, bonjour Save Africa. À propos effectivement de la même actualité, comment ferait-on dans la production de l'énergie électrique par exemple? Quand on connaît les dégâts causés par les centrales hydroélectriques et nucléaires et même par le système des plaques solaires à travers l'exploitation des mines, allons-nous utiliser les moyens ancestraux tels que vus dans les pyramides? Ces méthodes de production d'énergie sont-elles finalement à la portée de tous? S'interroge justement Vogo depuis le Cameroun, grand prêtre. Tout cela est à la portée de l'Afrique. Vous savez que je pense ici à, je ne sais pas si c'est, son prénom c'est Nicolas, je crois que c'est un chercheur scientifique, Tesla, qui s'est mis à faire des expériences exceptionnelles sur la production d'une énergie non seulement propre, mais aussi une énergie illimité. Vous savez que tous ceux qui ont essayé d'entreprendre des travaux, des recherches dans ce sens, ont été tués. Parce que les industriels, les oligarques, ne peuvent pas accepter que le peuple soit indépendant sur le plan énergétique. C'est pour cela que, actuellement, et c'est ça qui va donc être le véritable défi à l'heure actuelle en Afrique, tant que le système éducatif va être celui qu'il est actuellement, qui est actuellement, on ne pourra pas arriver à des connaissances aussi pointues qui peuvent nous permettre de ne plus détruire l'environnement et autres. Oui, j'entends parler, je suis obligé de faire aussi une digression dans ce débat qui a cours en ce moment, suite à un artiste qui a réaffirmé ce que d'autres avaient déjà affirmé avant lui, que les centrales, les pyramides étaient en Égypte, étaient des centrales électriques. Mais malheureusement, cela, c'est encore une fois la tendance au matérialisme, la tendance à la philosophie matérialiste. Et elle nous guette. Nous vous avons dit ça dès le début de cette émission. Si nous ne faisons pas attention, nous allons tout simplement nous intéresser aux centrales électriques permettant d'avoir la lumière matérielle pour nous éclairer et fabriquer des engins et consorts pour le développement technologique, comme l'Occident l'a connu. Nous, voilà le risque que l'Afrique a de prendre la même route. Si nous ne voulons pas prendre la même route, nous devons reconsidérer quel est le but de notre incarnation sur la Terre. Pourquoi nous sommes ici? Quelle est notre mission sur la Terre? Est-ce que notre mission, c'est de construire les gratte-ciels et de montrer qu'on est puissant? Est-ce que notre mission sur la Terre, c'est de fabriquer des bateaux qui peuvent porter 10 000 personnes et aller les jeter dans la mer? Est-ce que notre mission sur la Terre, c'est de fabriquer des avions les plus perfectionnés qui sont capables de détruire les populations et les infrastructures? Est-ce que notre mission sur la Terre, c'est de pouvoir édifier des ouvrages qui engloutissent après les gens par milliers? Nous devons réfléchir. C'est là où la réflexion, la pensée s'impose. Nous devons savoir que la centrale électrique de la pyramide, des pyramides à l'époque, c'était d'abord essentiellement une centrale électrique spirituelle. C'est là où il y avait la concentration d'une lumière exceptionnelle qui permettait aux hommes de redevenir des dieux. C'est très important de le comprendre, parce que sinon, tout ça va être noyé et les jeunes Africains vont se mettre à fabriquer des pyramides. De toutes les façons, vous en avez vu dans notre village, M. Ndoum, quand vous étiez ici dernièrement, vous avez vu qu'il y a des pyramides. Vous avez dormi dans une pyramide, je crois. Et donc, je pense que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas l'énergie ou l'électricité ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est utile pour régler, pour fabriquer des outils pour faire l'agriculture. C'est vrai que c'est utile pour pouvoir fabriquer sa charrue ou sa charrette pour pouvoir travailler au champ et se déplacer pour aller d'un village à un autre. Tout cela est important, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment libérer l'énergie spirituelle la plus puissante qui existe dans le cosmos et de pouvoir créer une chaîne d'amour et de solidarité permettant d'apporter à l'homme la connaissance et le savoir sur le but de son incarnation sur la Terre. C'est à partir de là qu'il est possible de pouvoir rendre tout le monde heureux. Mais vous n'allez pas penser qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un commence à penser qu'il faut qu'il fabrique, qu'il puisse se libérer, qu'il puisse avoir de l'énergie qu'on peut produire sans avoir de l'argent, tout de suite il pense comment il va aller breveter son invention, il pense tout de suite comment il va aller, il va chercher des partenaires pour fabriquer des milliards et des milliards de produits, ainsi de suite. C'est ça le matérialisme. C'est ça qui est dommageable. Ce n'est pas possible de penser toujours que nous ne pouvons pas nous développer autrement. Il y a une autre voie de développement. L'épanouissement de l'homme, ce n'est pas seulement l'épanouissement matériel. Ce n'est pas l'épanouissement matériel qui prime. C'est l'épanouissement spirituel. Le reste vient par surcroît, par-dessus, tout simplement. Donc, les centrales solaires, qui sont des temples, parce que tout temple, un vrai temple, est une centrale solaire. Je dis bien un vrai temple, dans lequel les gens viennent vivre le processus initiatique, ce sont des temples solaires. Les pyramides en Égypte, c'était des temples. Ce n'était rien d'autre. Les gens se retrouvaient dedans pour adorer Aton. Pour adorer le soleil. Pour libérer l'énergie solaire fondamentale. Et le reste venait par surcroît. Il me semble que si la jeunesse aujourd'hui commence à se laisser entraîner dans ce matérialisme, alors on va retrouver le même schéma que l'Occident. Et voilà comment nous allons nous retrouver dans des situations difficiles. Vous pensez qu'on a besoin absolument de lumière, d'énergie électrique? Est-ce que c'est absolument indispensable? Mais on peut s'en passer. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'un village peut vivre sans tout ça? Mais nous sommes dans une phase de transition actuellement. Hein, c'est cette phase que j'expliquais à M. Ndoum pour dire que nous allons laisser ce système mourir de sa bonne mort et nous allons faire venir à la surface un autre système. Et comme c'est des stratégies, nous ne sommes pas obligés de dévoiler ça. On ne peut pas dévoiler tout à travers les médias. Tout ça, c'est stratégique. Vous n'avez pas besoin de crier sur les toits quand vous êtes en train de chercher des solutions idoines pour non seulement l'épanouissement des hommes, mais il faut aussi que ce soit l'épanouissement des animaux, de tous les êtres vivants et de tout l'environnement. Il ne faut pas seulement penser au bonheur des hommes. Les plantes ont besoin de vivre. Les minéraux ont besoin de vivre. Les animaux ont besoin de vivre. Et pour être donc en relation et en harmonie avec la nature, il faut penser à autre chose. Et je peux vous le garantir, nous sommes là-dessus. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a Maria qui nous écrit et sa préoccupation, grand prêtre, revient notamment sur la diversité des régimes politiques qui comportent en eux-mêmes des particularités qui s'opposent aux valeurs universelles. Vous êtes d'ailleurs revenu quelque peu là-dessus dans l'une de vos interventions tout à l'heure. Alors, en parlant donc de ces régimes politiques, justement, alors, sa question, grand prêtre, n'est-il pas possible d'en conclure que la diversité des régimes politiques qui comportent en eux-mêmes des particularités qui s'opposent aux valeurs universelles, à l'opposé justement de la vie communautaire chère aux Africains, est l'élément fondamental qui prône la division aujourd'hui au point de l'implanter dans les mentalités africaines qui considèrent ces derniers comme le planche de salut au point de considérer que ces pays sont le cadre privilégié pour y éduquer finalement leurs enfants. Et c'est pour cela que malheureusement, tous les hommes politiques envoient leurs enfants dans les universités occidentales. Tous les hommes politiques envoient leurs enfants à Oxford, à comment en France là on appelle encore ça quoi? Sorbonne. On envoie à Polytech, on envoie à l'ENA, mais on envoie à Harvard, on envoie à machin et tout. Oui, tout cela, les gens ne savent pas que c'est aujourd'hui, si vous voulez, les déchets des vraies universités qui sont aujourd'hui implantées partout dans ces pays occidentaux. C'est des déchets. Je reviens un peu encore sur la Russie. Est-ce que vous savez que l'université russe, à l'heure actuelle, n'est plus l'université russe du moment de la période de Karl, de la période des Soloviev et consorts? Cette université n'est plus l'université idéale. Et cela est pareil partout en Occident. Donc, il faut savoir que nous ne devons pas prendre les déchets de l'Occident maintenant pour venir envisager le développement de l'Afrique. Ce sont des déchets. Les universités actuellement où on forme des gens, parfois en payant 10 millions de francs par mois, par an, ou je ne sais pas trop bien quoi, c'est des déchets. Et ce sont, on va perpétuer donc le système néocolonial. Et malheureusement, c'est ce que font tous nos dirigeants africains. Chacun se bat pour envoyer son enfant dans les universités occidentales, à la faveur des moyens qui leur sont donnés par les caisses du peuple. Non, cela va finir. Ça, vous pouvez être sûr. Le peuple est en train de se réveiller. Cela va finir. Mais il faut donc noter que toute cette pensée philosophique matérialiste qui se développe dans les universités en Occident et qui produit des hommes politiques que nous avons actuellement, eh bien, c'est très dangereux, et je dis même très très dangereux pour l'Afrique de demain. Nous devons tout repenser. Et je dis encore une fois que c'est les philosophes qui ont cette charge. Les philosophes africains doivent actuellement produire une véritable pensée généreuse, dépouillée de l'égocentricité, dépouillée du matérialisme occidental. C'est cela qui est la base du développement futur de l'Afrique. C'est cela qui est la base du leadership qui actuellement n'est plus occupé. La chaise est vide. La chaise du leadership mondial, à l'heure où je vous parle, elle est vide. C'est pour cela que les Occidentaux, les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, les Russes, les Occidentaux, ils se battent. Mais en réalité, c'est parce que la chaise est déjà vide. Quand elle était occupée, personne ne se battait. Le combat commence quand la chaise est déjà vide. La chaise du leadership mondial est vide. Vivement que l'Afrique l'occupe très rapidement. C'est pour cela qu'il faut libérer la vraie énergie électrique. Et elle est à l'intérieur de nous. Parce que chacun de nous est une pyramide. Et cette énergie électrique, spirituelle, est en chacun de nous. Libérons-la. On n'a pas besoin d'argent pour ça. Parce que cette énergie-là, elle est de l'or. C'est l'or qui est le meilleur conducteur électrique. Et nous avons l'or en nous. Chaque individu, chaque Africain a de l'or en lui. Si vous doutez un peu, je vous donne une indication. Savez-vous qu'à l'intérieur du sang de chaque Africain, en dehors de la mélanine, en dehors de cette mélanine, il y a dans le sang humain des oligo-éléments sans lesquels nous ne pouvons pas vivre. Et parmi ces oligo-éléments qui sont dans notre sang, dans le sang de chaque Africain, qui de surcroît a beaucoup plus de mélanine que les autres, eh bien, il y a de l'or, il y a du cobalt, il y a du nickel, il y a du zinc, il y a tout dans le sang de chaque Africain. C'est dans cette pyramide qu'est chaque Africain qu'il faut libérer l'énergie pour éclairer, apporter la lumière, la force, le courage, la sagesse permettant d'assumer et d'assurer le leadership mondial. Tous les Asiatiques actuellement, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, l'Australie, tous attendent celui qui va prendre, qui va s'asseoir sur la chaise. Et ne pensez pas que ce soit eux qui vont vous mettre sur la chaise. Le pouvoir, on ne le donne pas, on le ravit. Mmh. Il y a cette préoccupation de troisième. Je voudrais effectivement que l'on puisse se dire un mot là-dessus parce que le temps nous imparti va bientôt expirer. Alors troisième, tout en vous saluant ce matin, grand maître, bonjour. Comment l'Afrique, qui a donc une multiplicité, qui a une multiplicité de communautés religieuses, peut-elle arriver à être la locomotive du monde? Ne doit-elle pas commencer par gérer d'abord cet aspect-là avant de prétendre véritablement prendre ce leadership mondial? Oui, si on le gère, si on ne gère que l'aspect religieux, ça va être parcellaire, ça va être partiel. Il faut les trois. L'aspect religieux, l'aspect scientifique et l'aspect artistique. Il faut que, à partir de maintenant, qu'on puisse pouvoir d'abord réconcilier les trois. Et cela était comme ça à l'époque, dans nos traditions, les traditions africaines, nous voyons encore ce mariage qu'il y avait entre la science, la religion et l'art. Vous ne verrez jamais dans un coin de l'Afrique quelque part des cérémonies, des rites par exemple s'opérer sans qu'il y ait par exemple des masques, sans qu'il y ait la danse, sans qu'il y ait les objets d'art en général, sans qu'il y ait la peinture, sans qu'il y ait le dessin. Vous n'allez jamais voir dans nos traditions que cela puisse se passer sans qu'il y ait une préoccupation concernant l'invisible, à travers, par exemple, la considération de l'ancestralité. Vous n'allez jamais voir dans les rituels ou dans les rites traditionnels africains ne pas transparaître la science. Vous voyez, par exemple, chaque fois qu'il y a des manipulations concernant le feu. Vous voyez chaque fois, même dans les réseaux sociaux, vous allez voir comment est-ce que, par la maîtrise de l'élément feu, tu vois des Africains qui entrent dans le feu, dans un feu ardent, sans se faire brûler et tout. Tout ça, c'est de la science. Vous voyez comment est-ce que s'opère la sorcellerie à travers nos rites, nos coutumes et consorts. Tout ça, c'est de la science. Mais le problème, c'est que la trilogie, les trois ne marchent plus ensemble. À cause de la corruption qui a pénétré tous nos milieux traditionnels. Dès que nous allons épurer tout cela au fur et à mesure, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela que nous poussons les gens à la réflexion, parfois à travers la parole, en affirmant des choses qui dérangent, tout simplement pour que les gens puissent réfléchir. Donc, oui, il faut que l'aspect religieux soit tenu en compte, malgré la diversité des religions. Eh bien, les meilleurs philosophes du monde, l'histoire nous le démontre encore, ce sont ceux qui ont réussi à faire une synthèse de toutes les approches cognitives qui se sont manifestées dans le monde. Les meilleurs, c'est ceux-là. C'est pour cela que vous allez voir un philosophe, vous verrez qu'il a été influencé par d'autres philosophes avant lui, il a été influencé par d'autres philosophes contemporains de son époque, et à partir de là maintenant, il fait une synthèse exactement comme les abeilles fabriquent du miel, leur propre miel, et qui est une synthèse souvent de plusieurs espèces de plantes et même de minéraux. Donc il faut le savoir, c'est cette synthèse que nous sommes en train de réaliser, en particulier avec le travail que nous accomplissons maintenant dans Save Africa et l'école traditionnelle africaine des mystères. Il ne faut jamais l'oublier. Nous avons mis en place une école initiatique, philosophique, qui actuellement est en train de former depuis quelques années une jeunesse totalement décidée et engagée qui va rayonner bientôt dans le continent africain. C'est cela qu'il fallait. Il fallait y penser, nous y avons pensé et cela est en train de se faire. Merci infiniment. Oui, il y a cette contribution que l'on va d'ailleurs rendre de Tatana depuis le Cameroun. Bonjour à vous, bravo à vous, Monsieur Mobitan. Vous savez que lorsque vous parlez de révolution africaine, de renaissance africaine, beaucoup ne se sentent pas concernés par cela. Il faut aussi nous dire ce que chacun de nous doit faire de manière concrète pour apporter sa petite contribution à ce véritable courant. Là, c'est la préoccupation de Tatsanaï depuis le Cameroun. Oui, ah ben, c'est ce que nous essayons de faire. Hein. C'est-à-dire que nous poussons la jeunesse, par exemple, à la réflexion. Nous poussons la jeunesse à la pensée. Nous poussons la jeunesse à aller au-delà des contingences matérielles, au-delà de ce que le monde leur offre comme perspective de bonheur. Et nous leur disons, le bonheur ne peut s'acquérir que si on est autonome et libre. Nous encourageons la jeunesse à entrer dans la quête de la vérité et de la liberté, en refusant de se laisser enchaîner par les préjugés, par les superstitions, par la peur généralisée qui habite les hommes, qu'ils se sentent totalement libres, qu'ils sentent qu'ils sont des dieux, mais qui ont oublié leur divinité, et qui se mettent à chercher la vérité. Et vous savez que qui cherche, trouve. Si vous cherchez la vérité, vous la trouverez. Et ce que vous devez faire de concret, surtout les jeunes actuellement, c'est de pouvoir laisser de côté les préoccupations mondaines qui ne vous apportent que désillusions, désenchantement, douleur et souffrance, et que vous puissiez vous intéresser de manière réelle à ce qui est immuable, à ce qui apporte une paix éternelle, à ce qui apporte une sérénité éternelle. C'est cette invitation que nous adressons à la jeunesse africaine en particulier et à la jeunesse du monde. Sortez du milieu de ce système mondial corrompu. La vérité est en vous. La richesse est en vous. Dans les jours qui viennent, nous sommes en train de préparer des conférences qui vont avoir lieu dans la ville de Yaoundé et de Douala. Très très bientôt, nous allons communiquer les dates de ces conférences. Nous souhaitons ardemment que la jeunesse vienne nombreuse à ces conférences, les jeunes universitaires, les universitaires eux-mêmes, qu'ils viennent, qu'on apprenne à échanger, à discuter, à débattre, qu'on puisse philosopher. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes points de vue, mais il faut les confronter. Et c'est dans cette confrontation que la jeunesse voit clair, parce que ça crée un feu. Et ce feu peut non seulement apporter de la chaleur et de l'amour aux autres, mais aussi et surtout le savoir réel qui est inné, qui est en l'homme et qui ne peut être libéré que si le feu de la pensée philosophique, eh bien, l'anime. Donc voilà ce que nous proposons à la jeunesse. Oui, finalement, vous, grand prêtre Moubita, et nous suivra d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt ces conférences qui vont donc se dérouler dans les villes de Yaoundé et de Douala pour véritablement repréciser la véritable pensée africaine. Et vous l'avez si bien dit, les philosophes africains doivent donc produire cette pensée généreuse, celle-là qui est dépouillée de toute velléité, en tout cas de prédation, et c'est ce que fait justement Save Africa depuis plusieurs années et qui n'entend justement pas s'arrêter en si bon chemin. Merci infiniment d'avoir été encore des nôtres dans le cadre de cette autre livraison de cette production de la Renaissance africaine sur Afrique Média Télévision. Faire un clin d'œil à tous nos amis, nos frères qui sont au Gabon, qui sachent que nous préparons aussi une conférence qui aura lieu bientôt au Gabon, probablement à Libreville et à Port-Gentil. Je pense que nous allons y arriver très très bientôt. Merci à tous. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir accordé une écoute assez particulière, religieuse, à cette autre édition de La Renaissance africaine. Le rendez-vous étant pris tous les samedis lorsqu'il est 13h30 sur votre télévision panafricaine. À très bientôt. Thank you.